J'ai coutume de dire que ma vie a une bande-son. Une bande-son qui se joue indéfiniment comme une marée qui monte et descend. Et pourtant, ce n'est pas la même eau, mais ça y ressemble. De la musique rock surtout, mais pas que, qui se joue en permanence sur mes enceintes. Aurais-je donc si peur du silence? Je vais vous livrer dans cette émission chaque semaine une chronique très personnelle, voire intime, de mon rapport à la musique à travers des histoires inspirées par tous ces musiciens qui sont devenus des amis, des compagnons. Peut-être deviendront-ils aussi les vôtres. Ce jour-là, c'est la première chanson de lui qui m'est venue à l'esprit. Une flânerie mélancolique dans les rues de Paris du lunatique crooner. C'était le 18 février 2013. Je m'intéressais à cette époque au village dédié aux livres. Il y en avait plusieurs en France. Au cours de mes recherches sur Internet, je tombais sur une information qui me toucha par surprise, a entraîné une tristesse toute la journée. La mort d'un ami. Un ami qui s'est endormi pour toujours. Thank you. café avec une fille dedans et je lui disais, puis-je m'asseoir auprès de toi pour te regarder. J'aimerais bien l'accompagner de ton soleil, may I sit and stare at you. I'd like the company, your smile. C'était l'hiver. On m'a retrouvé mort mercredi matin dernier dans ma petite maison, dans le village ensoleillé où je me suis installé il y a 10 ans. Quand je vais mal, le soleil m'attire, mais indispensable même. C'est mon amie Lily qui m'a découvert allongée en travers sur mon lit, les draps en bouchon. C'est pas la première fois qu'elle me retrouve ainsi vautrée. Drunk like a fish. Lily, c'est l'épicière du village. J'ai fait sa connaissance dès la première semaine de mon installation ici, près de ce petit clocher du sud de la France. Lily, une petite femme boulotte et chaleureuse. Quand je suis entré dans sa boutique pour acheter du vin, elle a été intarissable et volubile sur les vins de sa région. Depuis, j'ai toujours acheté et bu celui qu'elle m'a conseillé. Lily, elle m'avait adopté. Moi, l'ex-rockstar, mais une étoile déchue. C'est ce qu'on lui avait dit. La musique qui m'avait fait connaître, Lily ne la connaissait pas, elle préférait la variété française. Au moins, je comprends les paroles, m'avait-elle précisé. Même si c'est pas toujours finaux, dit-elle avec un sourire malicieux. Mais au fond, ma musique, elle s'en foutait. Elle m'aimait bien, c'est tout, avec mon accent british, mon côté hippie, dandy, paresseux qui l'a changé de sa clientèle habituelle. Et puis elle a pris l'habitude de passer par chez moi, matin et soir, avant l'ouverture de son échoppe, et après le baisser de son rideau de fer. Je n'étais pas toujours en état de l'accueillir décemment, roupillant et ronflant au milieu de mon lit, ou avachi à travers mon canapé devant la BBC ignorée. Elle me laissait le matin dans la cuisine un sac de victuailles imposé et mon vin préféré avec souvent un petit mot genre « une bouteille, ça suffit pour la journée » ou bien « fais attention à ta santé, Kevin, il faut manger des légumes » et il y avait toujours des bananes. Says gonna save the human race. He laughs a lot as he climbs to fame. Now what's his name? Banana. That's me and I'll show you the light. I've got the answers and they're alright. Cause I'm divine and you can be the same. What's my name? Banana. Mm-hmm. I'll take the blame. Just call my name. Ba-ra-ba-na-na. Grab your partner, swing them round. Dance along to my different sound. Woo. You think it's new, but it's just the same. Now suck it to me once again. C'est ce que j'ai ressenti ce 18 février 2013. Il m'avait accompagné dans tant de journées, de soirées. Une disparition qui rendait le passé présent et une journée pleine de tristesse. Something that's already there. Tomorrow I'll find it. The trumpeter screams and remembers he's hungry and drowns in his dreams. Thank you. bells, I feel like they're too small. Je ne sais pas pourquoi Lily avait décidé que j'adorais les bananes. Pourtant, elle ne devait pas connaître ma chanson « Guru Banana ». Sans doute qu'elle souhaitait me voir engloutir ce fruit plutôt que des litres de vin rouge, même son préféré. Elle était inquiète pour moi, Lily. Cela faisait une semaine que je ne mettais plus le nez dehors, pas envie. En représailles, Lily ne mettait plus de vin dans l'approvisionnement quotidien. Elle devait se douter que j'avais une réserve quelque part. Je remarquais bien son air soupçonneux lorsqu'elle inspectait buffet et armoire. Sometimes I get too drunk and feel so goddamn low. I have no place to go, no one to turn to. I think about your loving arms, where I'd like to be, but it's selfish as can be, and I know it. And if I'm sorry for myself, I'm sorry for you too. 'Cause I'm the same as you, and I'm burning. So I sing for everyone who feels there's no way out. Or maybe if you all shout, someone will hear you. Listen to them shout. I won't say that I love you, 'cause that would be a lie. I can only say I try, and you know it. Love is something more and less than words can hope to say. It's something day to day in the life we're living. come and lovers go, but friends are hard to find. Yes, I can count all mine on one finger. So I sing for everyone who feels there's a no way out. Or maybe if you all shout, someone will hear you or listen to them shout. The distance that's between us, it just never seems to change. There's a whole mountain range of misunderstanding. So I sing for everyone who feels there's no way out. Or maybe if you all shout, someone will hear you or listen to them shout. Ça faisait 3 jours que Lily n'était pas passée. Elle en avait marre, sans doute. Marre de me voir me laisser couler. Marre de m'exhorter à garder la tête hors de l'eau plutôt que de me noyer dans les litres de corbière. Au 3e jour sans la voir, je me décidai de mettre le nez dehors. Oh, pas pour prendre l'air et faire des balades sur les sentiers. J'avais juste un besoin urgent de retrouver ma musique. What you got to do, you said it was foolish for me to be sad, but I'm very hungry, and you're very well fed. You're such a fat lady, and I'm talking to you just for something to do, 'cause I'd much rather kiss you, but I know I'm gonna miss you again and again. I know I'm gonna miss you, so let's drink some wine and have a good time. But if you really want to come through, let the good time. What you got to do? Yeah, let's drink some wine and have a good time. But if you really want to come through, let the good time, good time have you. It's what you got to do. What you got. got to do. Yeah, let's drink some wine and have a good time. But if you really want to come through, let the good time, good time have you. It's what you got to do. J'avais l'habitude de laisser une guitare au pub du coin. Un vrai pub à l'anglaise. English pub. De la nostalgie, peut-être. Dans ce pub, il y avait ce vieil homme, hirsute, qui passait sa journée au pub devant un livre et une pinte de bière. On en avait parlé, de la nostalgie. Tu verras, me disait-il, plus tu vieillis, plus tu deviens nostalgique. Moi, j'y échappe pas, mais j'aime pas ça. Puis il ajoutait dans un sourire moqueur, toi, tu es encore jeune. J'avais passé la soixantaine. Lui, je sais pas, il avait passé la frontière du côté du pays où on ne compte plus. Oui, une journée pleine de tristesse. Et puis, je me suis dit qu'au fond, ça ne changeait rien, c'est la vie, c'est comme ça. Is that too long about that? say that they want to be free. They look at him and they look at me, but it's only themselves they're wanting to see. And everybody knows about it. We talk all night and we're all turned on. Everybody heard him singing his song, telling us there was work to be done. And we all sung the chorus of I Am the Walrus. Yes, Disneyland has come to town. Everyone's dressed and standing around. Alice is wearing her sexiest gown, but she doesn't want you to look at her. Beautiful people are queuing to drown. They wait for the lifeguard to put on his crown, but he's up at the other end of town, trying to talk to the mirror. He knows what he means. He sits on the floor and has beautiful dreams. Then he gets brought down by a woman who screams. But he knows it's only a record. Oh yes it is. His brave new girl stops feeding the ants and looks at him with her septic pants. She still knows how to make him dance. Forget about emancipation, it's all imagination. And you and I, we sit and hug. We know something's got to come to get us off our endless bum. There's probably one in the bathroom or in the hall. Sur le chemin du pub, je suis passé devant l'épicerie de Lily. La boutique était fermée. Je me suis inquiété, mais je me suis souvenu que c'était son jour de fermeture. Alors, j'ai poussé jusqu'au pub et j'ai fait pareil avec la porte. Je l'ai poussé aussi. Le vieil homme m'a adressé un petit sourire amical et s'est replongé dans son livre. J'ai tordu le cou au passage pour en lire le titre. Des nouvelles de Lucia Berlin. Manuel à l'attention des femmes de ménage. Ça m'a fait marrer. Faudra que je lise ça, si j'en ai la force. Mais là, je me sens vidé. De tout, de vivre peut-être. Heureusement que Lily n'entend pas cette pensée, je me ferai engueuler. J'ai été prendre ma guitare posée dans un coin du bar. Mes doigts ont glissé sur les cordes désaccordées. Ainsi, j'ai jeté un coup d'œil vers le vieil homme qui m'observait. Il me fit un sourire inquiet. Quelques accords, puis je reposais l'instrument, impuissant et découragé. La tête basse, pas de revoir à personne. Je suis rentré chez moi. Je me suis jeté au milieu du canapé devant la cheminée éteinte. J'ai eu une dernière pensée pour Lily. It's real, it's what I feel.

light of a candle, then the door with no handle is closing behind her again. She places the light on a chair by the window, says a prayer while the wind blows, and then in her bedclothes she hides. Now she's safe from the darkness, she's safe from its clutch. Now nothing can harm her, at least not very much. What will you dream of tonight, Lady Rachel? What will you dream of tonight? Who will you dream of tonight, Lady Rachel? Who will you dream of is handed a parcel, then she unwraps the parcel and discovers a castle inside. The drawbridge is open and a voice from the water says, welcome my daughter, we've all been expecting you to come. Safe from the darkness, she's safe from its clutch. Now nothing can harm her, at least not very much. What will you dream of tonight, Lady Rachel? What will you dream of tonight? Who will you dream of tonight? Who will you dream of of